parfum d'ambre solaire et de suras créoles. Un voilier dans l'Esther, un navire espagnol. La barrière, le nuage et rien après la mer. Quelquefois les mirages, certains soirs les chimères. Au nom du Père, tu es chrétien. Tu es le frère de ton prochain. Si tu le sers, si tu le crains, tu iras. Sable fin, on est de glaive, on a besoin. Le ciel nous aide s'il y a quelqu'un, s'il nous voit. Quelqu'un, frère de ton frère, de ton prochain, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, alléluia.